le balai magique, c'est l'ennemi numéro un de la saleté. Hey, hey, balai magique, oye, oye. Le balai magique, la saleté KO, la propreté, ok. Hey, hey, Africa et Kilimanjaro. Ika mona moto te, to tika mi dodo. To zaliba na Congo, o to yoka na e. To zaliba na e, to lika na e. Pour tout nettoyage, il n'y a qu'un seul spécialiste. Hey, hey, balai magique, oye, oye. Le balai magique au service de la propreté. Hey, hey, Africa et Kilimanjaro. Nico, Nico, DG Lota. Vincent Beauté, Mingi na Débora. La bossa n'était Maïka, Fichou, yeah. Maïka. Balai magique. Balai magique, à Zang et Mekou, à Tolo et à Saleté. Les bagues puissent nous faire un minute quoi, zone et pas. Vous zone en guise de Mekou, à Tingédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Gédin, Mesdames, ne vous fatiguez plus. Prenez le temps de vivre. Le balai magique, c'est les hommes qualifiés et les machines performantes. Thank you. Zou. Zou bezouké? Killing. Killing. Oya mongo, oya dollar. Y'a pas santé. Thank you.

Tango.

neno yako kwa nguvu eh. Asema kwa tendo kwa. Shikia botamu. Ha ha ha. qui est au gouvernement, ce qui est au gouvernement. Na baza ki oto ya, geti obeti na tendi feo mama. Na mita ki ilusion ya pamba na tikali na pasie. Tome sana koswa na e, ya pa de foyer sans problème oh mama yeba. Tome sana kofuna. Ma bala nini zanga matata e mama. Ie bisanga e payoke ina na ya. Nasenga parado. Geti ye ye. Geti. Geti ye ye. Ola kuye. Geti geti. Geti utalinga tamba. Geti o mama. Jemai kasufe. Geti ye. Je ne veux pas me cacher, tout le temps.